Electric. Et mon bis dans la parenthèse, appelle ta chérie, j'suis plus en love. M'en fous tes fesses, j'vais toucher du mot. Tous tes bruits sont, les voisins veulent que j'coupe le son. Dans la parenthèse, apaise ma chérie, j'suis plus en love. J'm'en fous.